Chapitre 2e. Les nuits sanglantes. L'émotion causée par la mésaventure du petit tailleur commençait à être calmée quand un nouvel exploit des malfaiteurs vint mettre de nouveau Rambouillet en éveil. Le 10 avril était le jour de versement du percepteur et, naturellement, à cette date, les fonds qu'il avait en caisse avaient une certaine importance. Or, le 9 au soir, il était parti pour Paris où il était invité à un dîner. Il devait y passer la nuit et ne rentrer que le lendemain matin. On avouera que l'occasion était bonne pour tenter un vol. Cela ne manqua point. Dans la nuit du 9 au 10, la porte du bureau fut ouverte avec de fausses clés, la caisse fut forcée et mise au pillage. Mais les cambrioleurs, pour bien informés qu'ils fussent, ne savaient pas tout. Avant de partir, le percepteur, prudemment, avait déposé à la recette particulière et son argent et ses pièces de comptabilité de façon à pouvoir effectuer son versement à son retour à Rambouillet. Les voleurs ne trouvèrent dans le coffre-fort qu'une trentaine de francs en menu monnaie, dont 20 francs en centimes destinés aux appoints et qu'ils durent laisser n'en ayant que faire. La tentative, quoiqu'ayant avorté, n'en avait pas moins un caractère d'extrême gravité. De nouveau, la gendarmerie se mit en mouvement sans plus de succès. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Les malfaiteurs avaient opéré avec une audace et une habileté incroyables. Il y eut bien quelques racontars. Des gens prétendaient avoir vu vers minuit une automobile arriver par la route de Paris et repartir au bout d'une heure. Mais qu'est-ce que cela prouvait? Et lors même que le fait eût été prouvé, en quoi cela pouvait-il servir l'enquête? Tout au plus, pouvait-on émettre l'hypothèse que les voleurs étaient des bandits venus de Paris? Mais qui avait pu les renseigner? Les plus proches voisins seuls avaient vu le percepteur aller prendre le train, et ils ignoraient où il allait et combien de temps il resterait absent. Il y avait bien M. Solo, le greffier du tribunal qui, invité également au dîner, avait été son compagnon de route. Mais outre que M. Solo était au-dessus de tout soupçon, il ne l'avait pas quitté d'une minute et n'avait pu avertir les cambrioleurs. Mme Solo n'avait parlé à qui que ce soit du voyage de son mari. Il n'y avait donc rien à chercher de ce côté. Au bout de quelques jours, l'enquête fut close, faute du moindre détail qui pût servir de base. Un nouveau vol, plus important et mieux réussi, ne tarda pas à attirer l'attention de la justice. Cette fois, ce fut chez un négociant, M. Barcelon, celui-là même qui avait avancé à De Coninck l'argent nécessaire à la continuation de son travail. Un dimanche que toute la famille Barcelon était à la campagne, on s'introduisit chez elle par le tuyau d'une cheminée de cuisine et l'on ouvrit le coffre-fort qui comptait 10 000 francs. Le coup fait, les malfaiteurs étaient tranquillement partis par la porte du magasin qu'ils avaient ouverte de l'intérieur et qu'ils avaient simplement tiré à eux en s'en allant. Cette fois, on eut un témoignage, celui de Marthe de Coninck. La jeune couturière était en effet en journée la veille du vol, chez Madame Barcelon, à qui elle avait fait une robe pour une fête de baptême. Elle déclara avoir vu, en s'en allant le soir, 2 individus qui rôdaient aux abords de la maison. L'un de ces hommes, dit-elle, était grand, large d'épaules et paraissait âgé de 35 à 40 ans. L'autre, un peu plus jeune, était petit et mince. Ce doit être lui qui a passé par la cheminée. On remercia la jeune fille de ses renseignements. On chercha quels pouvaient être les 2 hommes vus par elle, et on finit par trouver 2 ouvriers qui répondaient à peu près au signalement donné par elle. Mais elle ne put affirmer les reconnaître positivement. D'ailleurs, ils fournirent des alibis. L'un d'eux, la nuit du vol, était à Boissy-le-Sec, à 9 kilomètres d'Étampes, chez des amis qu'il avait gardés à boire jusqu'au matin. L'autre, arrêté à Paris pour ivresse, avait été gardé au poste jusqu'au lendemain midi. C'étaient 2 ivrognes, mais ce n'étaient point les voleurs. Pour la 3e fois, la gendarmerie faisait buisson creux. Cela devait lui arriver encore pour des cas plus graves. En effet, 2 mois après le vol commis chez M. Barcelon, un assassinat terrifiait la contrée. À Angervilliers, un village important situé à 27 kilomètres de Rambouillet, habitaient les époux Toupin. Le mari, ancien garde-chasse au service du marquis de La Ferté, était depuis peu entré chez un autre propriétaire, M. de Périgny. Ils habitaient une maison située dans le parc, auprès d'une ferme, et à laquelle on arrivait par un sentier assez étroit. Des gens du voisinage, inquiets de ne pas avoir vu les époux Toupin depuis 3 jours, s'en allèrent frapper à leur porte. Cette porte était entr'ouverte et sur le seuil étaient des traces de sang. Les voisins entrèrent. Un affreux spectacle les attendait. Les époux Toupin gisaient dans une mare de sang caillé. Tous les meubles avaient été forcés ou brisés. On courut chercher le maire, qui vint accompagné d'un médecin. Le docteur procéda à l'examen des cadavres. Il reconnut que la femme Toupin avait été frappée la première avec une barre de fer. Elle avait dû être assaillie sur le pas de la porte. Le premier crime commis, les assassins avaient dû guetter l'arrivée du mari qui était sorti pour acheter du tabac dans le bourg. Au moment où il arrivait, il l'avait assommé d'un coup sur le crâne. La maison, disons-nous, avait été pillée, mais une somme de 1400 francs en billets de banque qui était dans la poche de Madame Toupin avait échappé au malfaiteur. 2 arrestations furent opérées à la suite de ce crime. C'était celle d'un ancien franc-tireur habitant Paris et qui était venu passer quelques jours chez des parents et celle d'un ancien zouave qui avait dans le pays une exécrable réputation. Mais leur innocence fut vite établie et on dut les relâcher. 2 mois s'écoulèrent. Un nouvel assassinat fut commis à Beaugrigneuse, également dans les environs de Rambouillet. On avait tenté d'assommer la servante du curé. Cette fois, le procureur de la République de Rambouillet et le juge d'instruction, d'avis que la police locale et la gendarmerie étaient insuffisantes, décidèrent d'un commun accord qu'il fallait demander le concours de la police de sûreté de Paris. On écrivit au préfet de police pour obtenir un agent intelligent qui put arriver à découvrir les auteurs de ces méfaits et rassurer un peu le pays.